La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous invite dans la discothèque du pianiste Stefanos Tomopoulos. Donc, comment j'ai choisi ma liste? Alors déjà, je dois dire que, en effet, c'est un exercice qui est un peu... au début, ça semble assez simple. Après, il y a un côté un peu indiscret, finalement, parce que ce qu'on écoute, ça nous décrit, finalement. C'est un portrait de nous-mêmes. Donc, on commence à se dire, si je mets ça, si je mets ceci, comment... On se pose des questions. Et après, pour m'y prendre, j'ai regardé ma discothèque, j'ai regardé mes disques et j'ai détecté les disques qu'au fil des années, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Voilà, que j'ai mis très souvent dans les lecteurs, que j'ai mis très souvent dans les recherches, voilà, parce que j'écoute beaucoup de la musique sur les pistes, sur les plateformes, voilà, d'écoute maintenant. Et après, on se rend compte qu'il y a des disques...